Le plus riche des hommes. Un jour, le rabbin Tarfon donna à son ami Akiba une forte somme d'argent et lui dit « Mon cher ami, avec cet argent, achète du terrain. Sur nos vieux jours, lorsque nous ne pourrons plus travailler, cette terre nous rapportera et nous assurera du pain. » Akiba prit l'argent et partit en voyage. Sur la route, il rencontra des malheureux, des infirmes, à qui il distribua peu à peu tout l'argent que Tarfon lui avait confié. Et lorsqu'il revint, longtemps après, chez son ami, il avait les poches vides. Tarfon fut très joyeux du retour d'Akiba. Il se mit à le questionner sur l'acquisition du terrain. « As-tu acheté une belle propriété? La terre en est-elle fertile? Rapporte-t-elle beaucoup ?»« Oh oui, » répondit Akiba, « j'ai acquis une belle propriété, si belle qu'on ne peut trouver la pareille dans le monde entier. » « As-tu l'acte d'achat ? » reprit Tarfon. « Certainement, » répondit Akiba, « et un acte écrit de la main du roi David lui-même. Voici d'ailleurs ce que dit cet acte. Celui qui donne largement aux pauvres est le plus riche des hommes. » À ces paroles, Tarfon se jeta au cou de son ami, l'embrassa tendrement et lui dit « Mon cher maître, ce n'est qu'aujourd'hui que moi, rabbin, je vois tout ce que tu peux m'enseigner encore. »